redéfinir son rapport à l'invisible. Voilà le sujet que je veux aborder en votre compagnie dans les prochaines minutes, parce que dans ma vie, j'en suis venu au point où j'ai redéfini le rapport à l'invisible que j'ai connu, qui a été instauré malgré moi en fonction du conditionnement religieux que j'ai eu dans mon enfance, étant donné que je suis un Québécois qui a grandi dans une culture canadienne-française où les gens étaient à majorité catholiques. Et c'est une réalité à un point tel qu'il n'y a pas si longtemps au Québec, lorsqu'on parlait de la religion, on sous-entendait automatiquement la religion catholique. Il n'y en avait qu'une. Il n'y en avait pas plusieurs comme aujourd'hui qui sont présentes ici, étant donné qu'il n'y avait pas ce contexte multiculturel dans lequel on se retrouve de plus en plus à l'époque moderne, à l'époque présente de la mondialisation. Donc, automatiquement, lorsqu'on faisait allusion à la religion, on faisait référence à la religion catholique. Donc, dans mon enfance, j'ai reçu un conditionnement lié à la religion catholique, ayant deux parents pratiquants, et aussi de par l'éducation et les cours de culture religieuse. Donc, j'ai baigné dans la religion, et ça commence très tôt, parce que j'ai été baptisé. Et par rapport à ça, ce qu'il faut dire, c'est qu'autrefois, beaucoup de personnes au Québec se sont faites baptiser rapidement après la naissance, parce que imaginez-vous donc que les gens croyaient autrefois que si l'enfant mourait après être né, alors qu'il n'était pas baptisé, il n'avait pas le droit d'aller au paradis et se retrouvait soit en enfer, soit au purgatoire, tout dépendant de l'état de son âme. Donc, les gens couraient après que l'enfant naisse aux églises pour que l'enfant se fasse baptiser par un prêtre dans l'espoir que l'enfant puisse être sauvé et faire partie de ceux qui vont être les élus, qui vont aller au paradis plutôt que de se retrouver au purgatoire ou en enfer. Donc, vous voyez l'impact de la croyance religieuse qui crée un stress, une tension. Donc, tant aussi longtemps que l'enfant n'était pas baptisé chez les parents croyants, il pouvait vivre un état extrêmement intense de tension parce que le sort de l'âme de l'enfant était en suspension. Donc, ça fait partie de la croyance. Donc, c'est sûr qu'aujourd'hui, je regarde ça avec un regard critique, avec un recul, et c'est sûr que je n'adhère pas du tout à ce type d'idée-là. Mais c'était quelque chose qui était très présent autrefois au Québec. Il y a beaucoup d'autres choses aussi, mais le point, c'est qu'à un moment donné, à la fin de mon adolescence, j'ai vécu une situation où j'étais plutôt solitaire, j'étais plutôt intériorisé, introverti, et je passais parfois du temps seul à écrire. Et à un moment donné, une communication s'est installée avec mon esprit. Donc, autrement dit, des idées ont émergé à l'intérieur de moi qui ne venaient pas de mon égo. Et là, suite à cet enchaînement d'idées, une communication s'est installée. Je posais des questions, j'avais des réponses qui montaient à l'intérieur de moi. Et à partir de ça, mon rapport à la religion, au fil des ans, a progressivement changé, dans le sens que autrefois, j'allais avec ma mère à la messe le dimanche matin. Elle m'y incitait fortement et elle disait que c'était pour mon bien. C'est sûr que ça lui apportait sans doute beaucoup de réconfort spirituel d'aller à la messe le dimanche. Pour elle, c'est une activité de ressourcement et c'est correct que ce soit pour elle. Par contre, de m'amener à aller à la messe alors que ça me tentait plus ou moins, j'ai trouvé que c'était une forme d'ingérence dans ma vie. C'est sûr que par la suite, j'ai arrêté d'aller à la messe, surtout suite à cette communication interne qui s'est installée malgré moi, parce que j'ai pas cherché ça. Quand c'est installé dans ma vie, cette communication, j'ai pas pris de la drogue, j'ai pas fait des choses particulières, j'ai pas été en Inde suivre un maître spirituel pour ouvrir mes chakras. Non, j'avais absolument rien fait. J'étais confronté par contre à des événements de la vie, difficile parce que j'avais assisté entre autres au décès de mon père d'un cancer généralisé de l'intestin grêle alors que j'avais 17 ans. Donc, je l'ai accompagné jusqu'à son dernier souffle. Je l'ai vu littéralement mourir devant moi. Donc, cet événement m'a amené à me questionner, à savoir, bon, là, il est décédé. Est-ce qu'il y a de la vie après la mort? Donc, il y a des questions qui ont émergé à l'intérieur de moi. Donc, il y a eu un questionnement qui s'est fait dès l'âge de 17 ans. Je commençais à avoir des questionnements de nature métaphysique qui m'ont amené à faire de la lecture, de l'écriture, donc à chercher des réponses. Et éventuellement, ben, les réponses ont émergé à l'intérieur de moi sous forme de communication avec l'esprit, ce qui m'a amené à prendre des notes, à écrire. Et j'écris toujours. Je tiens toujours, par exemple, un journal personnel en lien avec mon vécu pour en faire une intégration. Et aussi en relation avec ça, bien, c'est sûr que cette communication-là m'a amené à délaisser certains éléments du contexte religieux que j'ai hérité en m'incarnant au Québec en tant qu'âme, parce qu'à un moment donné, lorsque je regarde par exemple la prière issue de la religion catholique, donc la prière c'est quoi? C'est de réciter des paroles dans le but d'atteindre un contact avec Dieu d'une certaine façon, donc dans le but de rendre hommage à Dieu, aux anges, à Jésus, la Sainte Vierge ou à des saints, peu importe, et aussi dans le but d'atteindre un étau à travers la prière de réconfort spirituel et aussi de demander des choses à des entités. Donc, autrement dit, quelqu'un, par exemple, va prier Dieu pour améliorer sa santé et il va faire des prières pour cela, donc réciter des paroles. Donc, quand j'étais jeune, on m'a enseigné la prière et lorsque j'ai réalisé que je pouvais communiquer avec l'esprit, bien, j'ai délaissé la prière parce que j'ai réalisé à un moment donné que je n'étais pas intéressé de réciter du bout des lèvres des mots d'une manière mécanique, surtout quelqu'un qui fait par exemple une neuvaine, donc réciter 9 fois la même prière, comme un Je vous salue Marie. Pour moi, ça ne faisait pas sens, alors que on peut communiquer avec l'esprit, parce que d'un côté, prier, que ce soit Dieu, que ce soit peu importe l'être invisible, l'ange ou également des saints. Si on n'a pas de réponse qui vient de l'autre bord, bien à ce moment-là, pour moi, c'est une perte de temps. C'est comme parler tout seul dans le vide. Non, il faut que quelque part, on puisse entrer en contact avec l'esprit, ou que ce soit l'ajusteur de pensée, le double, ou peu importe le nom que vous allez donner à cette structure d'énergie autonome qui est capable d'émettre des pensées et qui va se manifester à vous. Et pour le détecter, sa présence, bien, vous pouvez ressentir une énergie extrêmement vitalisante vous traverser lorsque vous êtes en contact réel avec cet être. Donc, pour moi, d'être capable de communiquer avec l'esprit, c'était évident que ça devait remplacer la prière dans mon vécu. Donc, mes paramètres ont changé. Donc, j'ai hérité de certains paramètres de par mes parents, du contexte socio-culturel dans lequel j'étais. Et par la suite, j'ai eu à redéfinir mon rapport à la religion. C'est ce qui a fait en sorte, entre autres, que j'ai arrêté d'aller à la messe le dimanche, alors que j'y allais dans mon enfance. C'était surtout pour faire plaisir à ma mère. C'était pour me faire aimer d'elle. Alors que là, je fais une communication interne et je trouve ça plus créatif d'être capable, par exemple, de discuter avec l'esprit directement dans le cadre d'enregistrement que je peux produire avec un micro sur mon ordinateur ou de discuter aussi avec des gens qui ont une certaine sensibilité, une capacité d'écoute, de respect. Donc, d'avoir certains interlocuteurs sur la même longueur d'onde et qui vivent également à leur façon un contact avec l'esprit. Parce que c'est ce qui m'apporte le plus. Parce que, avec le recul, lorsque je regarde une messe, à part la partie de l'homélie qui peut durer peut-être en 10-15 minutes, où le prêtre a à prononcer un discours particulier qu'il peut improviser ou s'être préparé en lien avec l'actualité et qui va diverger du reste du rituel, qui est la messe. Parce que dans le fond, la messe, vous avez des prières qui sont lues. Par la suite, il y a la communion qui revient à chaque messe. Donc, l'aspect du rituel, donc de répéter des formes anciennes pour donner un support spirituel aux croyants qui a son utilité. Ici, ce qu'il faut comprendre, c'est que j'aborde le fait que j'ai pris mes distances à l'égard de la religion catholique, mais je ne dis pas pour autant que la religion n'a pas son utilité. Il y a beaucoup d'âmes qui ne vivent pas un contact intérieur avec l'esprit et qui vont retrouver, à travers le contact avec des formes spirituelles, un réconfort, étant donné qu'ils n'ont pas accès à un contact conscient de nature énergétique avec l'esprit. Et c'est correct qu'ils vivent ça. Donc, autrement dit, si ma mère va à la messe, c'est correct. Aujourd'hui, j'ai réalisé que je n'avais pas à essayer de la changer pour l'amener à vivre autre chose. Parce que pour vivre le contact avec l'esprit, c'est pour l'individu qu'il décide. C'est l'esprit, dans son temps, qui va choisir, qui va décider de se brancher à l'individu. Et par la suite, l'individu n'a d'autre choix que de composer avec sa présence et d'interagir avec lui. Donc, vous voyez qu'à quelque part, si quelqu'un vient en contact avec l'esprit, c'est pas qu'il y a un mérite particulier en tant qu'ego, c'est tout simplement que c'est quelque chose qui s'est présenté dans sa vie, parce que l'esprit a jugé que c'était le temps qu'il vive ça, tout simplement. Par rapport à la religion, bon, j'ai pris mes distances par rapport à la messe, ou si je vais à la messe, ça peut être, par exemple, pour la fête de Noël, parce que, après tout, les chants religieux, l'ambiance, l'atmosphère qui est présente, c'est agréable. Donc, ça fait changement de la routine, et aussi pour le contexte social et culturel qui évoque la réalité du Québec depuis plusieurs décennies. Donc, d'aller à la messe, ça nous branche sur cette réalité. Bien entendu, si vous me posez la question, est-ce que tu te définis comme étant un croyant de Jésus? T'es des prêtres de la Bible? Non. Par contre, je peux considérer que dans certains propos qui peuvent être tenus par Jésus, dans certains cas, il y a de l'intelligence. Donc, aimez-vous les uns les autres, il y a une intelligence derrière ça. Par contre, est-ce que tu serais quelqu'un qui vivrait en fonction des formes religieuses? Pas du tout. Je préfère vivre en contact avec l'esprit et de bénéficier de son intelligence pour déterminer par rapport à quel aspect issu de la religion je décide de conserver certains principes ou non. Donc, d'utiliser l'intelligence qui peut se manifester à moi pour regarder par rapport à ces éléments, les choses que je conserve ou non. Et c'est l'une des démarches que j'ai entrepris au fil des ans dans ma vie qui m'a amené à réaliser que d'aller à la messe tous les dimanches, ça ne m'intéressait pas. Par contre, d'aller à la messe lorsque c'est une fête particulière comme celle de Noël, je peux trouver ça intéressant. Et c'est sûr que si je vais à la messe, je vais donner de l'argent à la quête. Par contre, ce qu'il faut comprendre, c'est que je donne de l'argent un petit peu parce que ça fait partie de respecter le décorum, les coutumes de cet endroit-là. C'est sûr que si je vais à la messe, je ne chercherai pas à bousculer les gens qui sont là en leur parlant de conscience supramentale alors qu'ils n'ont pas nécessairement la sensibilité pour absorber de tels propos. Donc, c'est sûr que le repositionnement que je fais vise à respecter la sensibilité des gens sans trop les déstabiliser. Donc, c'est plutôt un changement intérieur qui s'opère, dans le sens que vous pourriez me voir à la messe avec d'autres personnes et il n'y aurait rien d'apparent qui me ferait différence aux autres. Sauf que il y a des concepts que j'ai redéfinis, comme le concept, par exemple, de la communion. Cette idée que le croyant peut vivre une union commune avec le Christ, Jésus, en avalant l'hostie, qui est un morceau de pain qui symbolise la présence du Christ, bien, si je demande à mon esprit qu'est-ce que ça peut être dit d'une manière autrement, bien, l'esprit va me dire la communion, c'est que tu es un avec moi, tout simplement. Donc, tu n'as pas à te casser la tête. La minute que on parle ensemble dans le mental, ben, on est un ensemble, il n'y a pas de problème. Ça peut parler comme ça intérieurement. Donc, vous pouvez vous redéfinir par rapport à ces choses-là. Comme la question du pardon, ben, l'esprit va me dire, tu n'as pas à te culpabiliser outre mesure ou à réfléchir outre mesure quelque chose que tu sais qui manque d'ajustement. Ce que tu as à faire, c'est agir autrement dans l'avenir pour pouvoir reproduire l'action qui manque d'intelligence. Donc, autrement dit, tu te réajustes. Donc, quand tu es conscient que tu as à te réajuster, tu te réajustes. Tu n'as pas à passer des milliers d'heures à te sentir coupable, à vibrer à de la honte et à te mettre à genoux devant le prêtre pour qu'il te pardonne tes péchés. Non, t'as pas besoin d'intermédiaire extérieur, tu peux en parler avec moi. Puis à ce moment-là, si j'en discute avec l'esprit, ben, il va me dire ce que j'ai à faire. Moi, j'ai évalué si ce qu'il me dit, c'est réel avec ma sensibilité. Donc, si l'esprit m'achemine une idée qui est intelligente par rapport à un réajustement créatif qui est chargé d'une vibration vitalisante lorsque je perçois cette pensée, bien, j'ai à me réajuster par rapport à elle. C'est sûr que l'esprit, comme une entité astrale, peut me tester en m'acheminant des idées qui sont plus ou moins pertinentes pour voir à quel point je suis encore naïf, et c'est tout à fait normal. Mais le point, c'est de réaliser que la pensée n'origine pas de l'être humain, ce qui fait en sorte que peu importe la pensée qu'on peut recevoir dans le mental, il faut rester sur ses gardes. Donc, les différents aspects de la religion peuvent être définis créativement par l'individu en évolution pour vivre un contact conscient avec l'esprit sur une base individuelle. Et c'est sûr que, par exemple, il y a eu le cas l'automne dernier d'une tante que je connaissais qui est décédée. Étant donné qu'elle était chrétienne et pratiquante et croyante, eh bien, c'est sûr que j'ai été à la messe qui se rapportait à ses funérailles et ça m'a fait plaisir, suite à la demande d'un de ses frères, donc mon oncle, de réciter pour l'occasion un petit texte devant les gens qui étaient présents pour l'occasion. Donc, j'ai fait une lecture à caractère religieux. Mais c'était dans l'optique de faire plaisir à ma tante parce que je sais qu'elle aurait aimé m'entendre prononcer ces mots. Et c'est pour ça que j'ai donné suite. Mais si vous me posez la question, est-ce que tu étais dans un état de croyance? Pas du tout. Et c'est sûr que là, pour des raisons de sympathie par rapport à ma tante qui est décédée, j'ai décidé de faire une lecture de texte, mais je ne l'ai pas décidé tout de suite. Parce qu'à l'origine, mon oncle m'avait téléphoné quelques jours après son décès pour me l'annoncer et il m'avait proposé, c'était un mardi soir, de faire la lecture pour l'événement de ses funérailles et de la célébration religieuse qui s'y rapporterait. Sur le coup, j'avais refusé et j'étais parti à mon cours de yoga parce que j'aime beaucoup pratiquer le yoga. Et c'est un cours de yoga de type yin. Donc, vous avez le yin et le yang qui existent dans les philosophies orientales. Et là, c'était l'aspect plus yin dans le sens plus passif, plus féminin. Donc, faire des mouvements doux, des mouvements calmes, des mouvements de détente. Et c'était propice à l'intériorisation, surtout qu'il y avait une partie méditation à la fin de l'activité. Et c'est pendant cette activité que j'ai reçu intérieurement le signal que, à quelque part, elle voulait que je fasse cette lecture. Donc, c'est ce qui m'a amené à revisiter ma décision. Et curieusement, lorsque j'ai recontacté mon oncle après la soirée pour dire que j'avais changé d'idée, après que j'ai reçu intérieurement la pensée que elle voulait que je fasse ça, et puis moi, j'ai décidé de donner suite parce que j'avais un bon lien avec elle, donc je voulais, à quelque part, lui faire plaisir. Ce que j'ai appris par la suite, c'est que mon oncle, pendant cette soirée, il avait reçu intérieurement de l'information pour lire devant le public qu'allait être cette cérémonie, un petit texte qui parlait d'elle. Et j'ai eu cette idée le même mardi soir, simultanément, presque au même moment, en fait, pendant la même soirée. Donc, j'ai eu cette idée-là que ça pourrait être bien que quelqu'un fasse une lecture, puis là, j'apprends que c'est lui qui le fait. Donc, de mon point de vue, c'est que c'est son esprit que communiquer avec nos deux consciences au même moment pour qu'il y ait par la suite une cérémonie qui lui ferait plaisir, tout simplement. Et c'est sûr que par la suite, mon oncle m'a dit ça a été particulier l'expérience que j'ai vécue, étant donné que j'ai reçu tout d'un bloc un jet créatif d'un texte. Ça a pris peut-être 15 ou 20 minutes et toutes les idées sont venues là, spontanément, là. C'est un petit peu comme si elle avait reçu un document en fichier PDF avec de l'information très condensée, et par la suite, il l'a noté. Et c'est un petit peu ce que je vis des fois lorsque je reçois des idées pour produire des enregistrements. Donc, c'est un petit peu le même principe. Et le fait qu'on ait reçu simultanément des idées par rapport à elle la même soirée me confirme que quelque part, il y a des forces qui sont entrées en communication avec nous pour que la cérémonie puisse répondre à son désir. Donc, c'est sûr que Par la suite, j'ai lu le texte qui était prévu pour l'occasion. Il y a des gens qui avaient trouvé que j'avais bien lu ça. Il y a des gens qui m'ont même proposé de devenir lecteur pour célébrer des messes dans le cadre de cérémonies religieuses. Et je n'étais pas intéressé. Une fois comme ça, pour faire plaisir à ma tante et honorer sa mémoire, ça me faisait plaisir, mais je ne serais pas intéressé d'aller tous les dimanches matin faire des lectures publiques dans des églises. Pas du tout. Je préfère parler dans mon micro parce que ça me permet d'intégrer ma vibration, alors que si je lis des textes continuellement de d'autres personnes, je vis en fonction de leur vibration, mais pas la mienne. Et mon objectif premier, c'est d'intégrer ma propre énergie plutôt que de vivre en fonction des autres et surtout de formes anciennes, parce qu'il y a beaucoup de lectures de textes qui remontent à plusieurs siècles qui sont présents. Donc, moi, ce qui m'intéresse plus, c'est de manifester une parole qui est créative et qui se renouvelle continuellement. Et c'est ce renouvellement que je vais chercher dans un rapport individualisé avec l'esprit, alors que les gens qui vivent avec un rapport avec la religion, on vit en fonction de formes anciennes qui ont eu leur utilité, que ce soit par rapport à la vie de Jésus, Bouddha, il y a eu d'autres personnes aussi qui ont marqué l'histoire de l'humanité et son héritage spirituel, sauf que le point, c'est qu'éventuellement, l'individu doit redéfinir son rapport à l'invisible dans le but d'être bien dans sa peau et aussi de s'individualiser pour arrêter de vivre en fonction d'un collectif et vivre en fonction de lui-même. Et c'est le processus que j'expérimente présentement. Et par la suite, c'est sûr que j'ai délaissé la religion, je me suis intéressé au Nouvel Âge et également à des propos véhiculés par Bernard de Montréal qui parlait abondamment de conscience supramentale. Il faut dire qu'il a quand même produit au-dessus de 500 enregistrements, donc il y a une quantité considérable d'informations qu'il a générées pendant sa vie à ce sujet. Donc, je me suis intéressé à ça. Et c'est sûr que de mon point de vue, ce qui est important, c'est de pas tomber dans le piège qui consiste de vénérer Dieu et de se mettre à genoux devant Dieu pour le prier, pour ensuite vénérer le double ou l'ajusteur de pensée, ou peu importe le terme que vous lui donnez, pour retrouver le même comportement de soumission. Parce que si une personne, par exemple, a passé une bonne partie de sa vie à vénérer Dieu dans une attitude de soumission, de dévotion, et par la suite, il adopte mécaniquement le même comportement, mais à l'égard du supramental et du concept du double, c'est sûr que pour moi, c'est une situation qui est problématique. Parce qu'à ce moment-là, il va se mettre à genoux devant le double, puis il peut payer des messes au double en vue d'avoir des faveurs. Fait que vous voyez un petit peu le comportement qui demeure sensiblement le même que l'adepte religieux, sauf que c'est transféré en fonction d'une forme qui est plus subtile. Donc, de mon point de vue, l'individu, lorsqu'il se conscientise, doit en venir éventuellement à avoir un rapport égalitaire à l'égard de l'invisible, et que ce soit par rapport à des formes invisibles issues de la religion, issues du Nouvel Âge, issues également de la conscience supramentale. Et c'est pour ça que l'individu doit toujours avoir la capacité de se renouveler sur le plan psychique en ayant l'audace de continuellement redéfinir son rapport à l'invisible de manière à être tout le temps en équilibre par rapport à lui-même et bien dans sa peau lorsqu'il sent que des forces invisibles peuvent chercher à l'influencer ou à le fasciner. Parce que si une personne, par exemple, se libère de la fascination de Dieu ou des anges ou également des saints, que ce soit Saint-Joseph, il y en a différents, puis tombe dans la fascination pour les concepts de double, d'ajusteur de pensée, eh bien, à ce moment-là, il y a juste un transfert qui s'effectue. Donc, vous voyez à quelque part le ridicule de la situation. Donc, éventuellement, l'individu doit être libre de toute forme. Et ça passe par sa capacité d'avoir une autonomie psychique pour entrer en contact avec des êtres invisibles, s'il y perçoit. S'il y perçoit pas, c'est correct aussi. Donc, il ne faut pas non plus qu'il impose son expérience et son vécu aux autres, mais s'il vit un rapport avec des énergies avec lesquelles il peut communiquer, eh bien, à ce moment-là, c'est de s'organiser que ce rapport avec ces êtres se fasse dans le respect de son individualité et de manière à ce qu'il puisse avoir une énergie qui est puissante, une énergie qui est vitalisante et être dans la paix dans son mental, parce qu'il ne doit pas souffrir de peur en lien avec des êtres invisibles et subir des formes de chantage. Parce qu'autrefois, la personne dans la religion, eh bien, à ce moment-là, il croyait, par exemple, à l'autorité des prêtres, l'autorité du pape, l'autorité de Jésus, l'autorité de la Sainte Vierge. Il y avait beaucoup d'autorités auxquelles il donnait de l'importance et qu'il mettait au-dessus de lui. Et c'est sûr que le moindrement qu'il pouvait déroger à une de ces autorités, il se sentait coupable de commettre le péché, de faire quelque chose de pas correct. Et s'il se sent trop coupable, il peut avoir peur de ne pas avoir accès au paradis une fois qu'il décède et brûlé pour l'éternité dans les flammes de l'enfer. Donc, c'est sûr que la religion a amené ces concepts qui ont été une source de manipulation parce que quelqu'un pouvait dire « Ah, si tu fais pas ce que je dis, tu vas aller en enfer. » Donc, un parent peut utiliser ça, un enseignant, un prêtre, et ainsi de suite. Donc, vous pouvez utiliser tout simplement ce genre de phrase pour manipuler un individu et l'amener à commettre une action plutôt qu'une autre. Et c'est sûr que c'est le type de manipulation que la personne ne doit pas subir lorsqu'elle vit un contact intérieur. Parce que si cette manipulation qu'elle vivait, à l'égard de croyances extérieures à elle, en lien avec la religion, est reproduite avec un contact intérieur, à l'égard, par exemple, de son esprit, ben, si l'individu est influençable, bien, c'est sûr qu'il y a des êtres qui peuvent se faire passer pour son double, sa contrepartie cosmique que certains vont appeler. Et à ce moment-là, ces êtres, par exemple, des êtres qui peuvent être décédés, peuvent se faire passer pour son esprit et lui dire de faire certaines choses. Et si la personne est naïve, bien, elle va croire ça. Donc, autrement dit, si ça lui dit intérieurement que la personne doit manger telle chose ou écouter telle vidéo sur Internet, eh bien, elle doit toujours ramener ça à elle-même et vérifier si c'est réel. Parce que même si la voix lui dit que si elle ne mange pas telle nourriture, qu'elle n'est pas correcte et qu'elle va aller en enfer ou elle ne vivra pas le retour sur le plan éthérique après son incarnation présente, ben, il ne faut pas nécessairement qu'elle croie ce qui est dit parce que là, elle peut être manipulée à savoir qu'une voix intérieure. Et cette voix peut provenir d'une entité qui se manifeste à elle et se décrit à elle comme étant son esprit, qui va lui dire « ben il faut que tu agisses en fonction de ce que je dis, parce que sans ça, tu vas te réincarner et tu vas rester collé sur Terre encore pendant longtemps, parce que tu vas vivre strictement en fonction du plan astral, alors que si tu suis mes explications, eh bien par la suite, tu vas aller sur le plan éthérique, ce que certains appellent le plan morantiel, pour être libre de la réincarnation » et de ce cycle pour atteindre un niveau de réalité qui est beaucoup plus dynamique au niveau énergétique. Et si la personne se fait dire ça dans la tête, dans l'optique de l'amener à avoir certains comportements, et qu'elle ne vérifie pas par elle-même si la vibration derrière la pensée de lui suggérer certains comportements est réelle, c'est-à-dire qu'elle est chargée de vitalité qui lui insulte un dynamisme réel, eh bien, à ce moment-là, elle vit une forme de moralité, une forme d'éthique, un peu comme le croyant, et elle ne sait pas. Elle vit d'ignorance. Sauf que l'ignorance ne vient pas de l'extérieur d'elle, de par des religieux ou sa famille qui va lui dire de faire certaines choses, mais l'ignorance vient plutôt d'un contact intérieur avec une entité qui lui dit des choses, mais qu'elle ne vérifie pas si c'est ça. Donc, autrement dit, si une personne entend dans sa tête, son double, lui dire qu'elle doit arrêter de manger de la viande parce que sans ça, elle inflige des lourdes souffrances aux animaux et ça lui occasionne un karma tellement lourd qu'elle va être obligée par la suite de se réincarner en animal. Donc, elle va être rétrogradée au niveau de l'évolution, donc de partir d'une forme humaine à une forme animale. Si elle croit cela, bien, elle va vivre beaucoup de culpabilité si elle continue de manger de la viande et si elle ne vérifie pas intérieurement ses réels, eh bien, à ce moment-là, la personne est sous manipulation de par cet être. Donc, c'est pour ça que la personne doit toujours vérifier si derrière les mots qui sont prononcés, donc les formes, s'il y a une réalité énergétique qui sous-tend cela. Donc, c'est sûr que si je pose la question, par exemple, est-ce qu'un être humain peut se réincarner en animal, comme par exemple une chèvre, donc quelque chose d'autre que quelque chose qui est un être de type humanoïde, eh bien, la réponse qui émerge à l'intérieur de moi, c'est non. Donc, non, c'est pas le cas. Donc, il faut être capable de se brancher au plan énergétique, du plan mental, individuellement, pour vérifier tout ce qui est dit. Et ça, c'est par rapport à des êtres extérieurs à soi, par rapport aussi à des entités qu'on peut être en contact dans son intériorité. Il faut réaliser par rapport à tout ça qu'autrefois, l'humanité a été encadrée par la religion et des religieux, et que cela a eu son utilité, parce que les principes de la religion ont permis d'éviter des excès d'âme, c'est-à-dire des excès qui pouvaient être liés, par exemple, à la gourmandise, à la sexualité, par exemple, à la violence, tu ne tueras point. Donc, des choses comme ça. Il y a des principes de religion qui ont permis d'encadrer des comportements d'âme qui étaient en relation avec un état de conscience extrêmement grand, qui faisait en sorte que ces âmes étaient totalement ou presque identifiées au corps physique, donc la dimension animale. Et une fois que cet encadrement-là est fait, eh bien, puis l'individu devient plus mature, donc plus capable d'autogestion, bien là, c'est sûr qu'il peut vivre un contact individualisé avec son esprit, et au début, il peut vivre une certaine forme d'encadrement, de par ce que certains appellent les ajusteurs de pensée, le double, et d'autres formes d'entités, mais éventuellement, l'individu doit aller au-delà de ça pour vivre tout simplement en fonction de lui-même, donc d'être totalement individualisé et être capable, oui, de tenir compte des éléments qui peuvent provenir de l'extérieur de lui par des individus interposés, par rapport aussi à des actes qu'il perçoit dans sa sensibilité, mais toujours avoir le dernier mot pour ne pas subir des formes de manipulation de croyances qui occasionnent des comportements qui sont en déphasage avec sa sensibilité et également la réalité. Donc, d'où l'importance, en fait, de redéfinir son rapport à l'invisible. Donc, c'est sûr que dans mon cas, la redéfinition est extrêmement simple. J'ai délaissé au fil des ans la religion. Bien sûr, je ne suis pas totalement fermé à la religion dans le sens que si quelqu'un qui est proche de moi décède, bien, et puis c'est une messe religieuse, je ne m'empêcherai pas d'aller à cette célébration, bien au contraire. Parce que moi, le principe qui doit primer, de mon point de vue, c'est le principe de l'amour. Donc, si je sais que pour cette personne-là, ça lui ferait plaisir que j'assiste à ses funérailles religieuses, eh bien, je vais y aller, je ne m'empêcherai pas. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que je ne suis plus pratiquant sur une base individuelle au niveau religieux. Par la suite, j'ai redéfini le rapport en me centrant plus sur mon contact individualisé avec l'esprit. Et c'est sûr qu'au début, j'ai vécu une certaine forme de fascination par rapport à cette réalité qui a fait émergence dans ma vie. Et par la suite, j'ai remis en question certains éléments qui proviennent d'une guidance intérieure, de certains êtres qui peuvent chercher à se faire passer par mon esprit avec lequel je peux vivre une communication intérieure, pour réaliser qu'en bout de piste, eh bien, que ce soit des êtres que je perçois intérieurement ou que je vois avec mes yeux de chair à l'extérieur de moi, que c'est tout le temps moi qui dois avoir le dernier mot, parce que c'est moi qui ai à vivre avec moi-même et ma conscience. Donc, c'est ce qui m'a amené à prendre beaucoup de distance par rapport aux influences à caractère invisible au fil du temps. Et c'est cette prise de conscience que j'ai voulu partager dans le cadre de cet enregistrement et vous ramener au fait que si je peux redéfinir mon rapport avec l'invisible, c'est parce que ça veut dire que vous aussi, vous pouvez le redéfinir et que certaines personnes qui ont à le définir, si vous en avez bien sûr la vibration, la sensibilité, mais si votre rapport avec ce qui a trait à l'invisible, donc les choses qu'on ne peut pas voir avec nos yeux de chair, est ajusté à vous, c'est correct aussi. C'est à vous de le savoir sur une base individuelle. Donc c'est entre vous et vous. Et c'est ce qui termine maintenant l'enregistrement. Au revoir.